C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, Christine, ça voulait dire beaucoup. Elle était mon repère, mon cap, mon phare dans la tempête. Avant de raccrocher les crampons, elle n'a pu s'empêcher de nous offrir une dernière déclaration, un peu comme un alcoolique qui se jetterait un dernier verre avant sa cure. Elle a qualifié de dégueulis d'accusations les déclarations entourant l'affaire Weinstein. Mais on ne juge pas la trajectoire d'un astre à l'aune de son crépuscule. Rappelons-nous de Christine, la templière de la Manif pour tous. Non, non, non, halte à l'abomination. Belzébuth renonce à tes projets. L'épidémie homosexuelle ne doit pas s'abattre sur la France. Au nom de la sainte procrémation naturelle, un papa, une maman et de la partouze hétéro, viens à nous, Seigneur, empêche cet Armageddon qui plonge notre civilisation tout entière dans les ténèbres. Va des rétros, Satanas, oui, recule, Belzébuth, laisse la famille en paix. Oh, signe de sacrifice ultime, je m'offre à toi, dis. Oui, je me sacrifie. C'est pourquoi je voulais partager avec vous le vrai secret des spécialistes de la flemme. Cet état semi-végétatif que les neurologues ont encore du mal à s'expliquer entre la mort cérébrale et le coma, qui consiste à regarder du golf à la télévision. Ah ouais. Alors ça, vraiment, pour les amateurs de néant, c'est d'un raffinement inégalé. L'Élysée sans l'urine, et ça, c'est pas bon pour l'image de la France. Imaginez, visite officielle, sommet de chef d'État. Angela Merkel arrive, elle glisse dans une flaque de Nemo, elle se cache la figure, en tombant elle bouscule Donald Trump qui pour ne pas tomber attrape la cravate de Poutine qui croit que Donald l'agresse, lui met son poing dans la gueule. Theresa May, alliée des Américains, met un coup de talon aiguille dans l'œil de Vladimir qui prend ça pour une déclaration de guerre pendant qu'il ramasse son œil et donne l'ordre de frappe nucléaire sur la Corée du Sud. Qui croit que c'est des missiles nord-coréens? Du coup, elle riposte en voyant des missiles. Les missiles arrivent sur le palais de Kim Jong-un qui appelle les Chinois pour dire « Aidez-moi, j'ai bluffé, j'ai que des missiles en carton !» Ni une ni deux, la Chine s'énerve, balance le feu nucléaire à qui mieux, un peu partout. Français, j'ai pris la décision dure au cœur d'un soldat d'aller au casino de Vichy voir le film Au revoir là-haut. Avec une stupeur attristée, j'ai vu deux poilus rescapés de l'horreur des tranchées qui décident de monter une escroquerie au monument aux morts. Un sacrilège qui profane ces statues dont les érections, aussi magnifiques que celles dont j'honorais jadis mon épouse Germaine, toujours ardente lors des assauts. Alors, nouvel exemple, ce week-end, j'étais assis à une terrasse, j'étais cool, peinard, je pensais à la mort, quand un homme m'aborde pour me demander 50 centimes. Et alors, il s'avère qu'à ce moment-là, par hasard, j'ai la somme sur moi. Et donc, je lui donne en me disant, voilà, on sait jamais, il y a peut-être un dieu, au fond, ce serait con de louper le paradis pour 50 centimes. Je veux dire, il m'aurait demandé 4 euros, j'aurais pris le risque. Mais là, 50 centimes, c'est l'équivalent d'un huitième de chronique sur France Inter, tu vois, ça, voilà, c'est un compromis acceptable. Bref, je lui donne l'argent, il me regarde, il me dit, vous êtes originaire d'où? Sa question m'étonne parce que j'avais pas dit un mot et tout ce que j'avais fait jusque-là, me semble-t-il, était hyper français quoi. J'avais fait une grimace en sortant l'argent de ma poche, un regard condescendant en lui donnant, puis j'avais détourné la tête, l'air de dire, tu vois, maintenant on sort de ma vie pour deux générations, dans la capitale. Je vois pas comment j'aurais pu être plus français que ça quoi, quelque part. J'ai pas commencé à me balader en permanence avec un camembert et une photo de Jean-Jacques Goldman, juste pour éviter les stigmatiser quoi. Enfin, qu'à présent, l'Arabie Saoudite est un pays aussi fermé que le seraient les portes de l'abbaye de Sénanc si Marilyn Manson sonnait les yeux révulsés en criant prends-moi Satan. Donc le wahhabisme, en fait, c'était bon pour la planète. Les femmes conduisaient pas, il n'y avait pas de touristes. Un samedi soir de fête, c'était juste 4 mecs qui regardaient le soleil se coucher dans le désert à côté d'un chameau qui pue. C'était top. Mais il a fallu que le roi Salman se prenne pour Gisèle Halimi. Hein, il y a un mois, pour la première fois, les femmes ont même pu pénétrer dans un stade. Avant, c'était interdit. Hein, le Hervé Matou saoudien, qui s'appelle autrement parce que les chats sont prescrits en Arabie Saoudite, était entouré de mecs. Hein, toutes les valeurs qui avaient fait de ce pays un modèle de fermeture et d'intolérance sont en train de voler en éclats parce que Papy Salman a un début de démence. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai. Bah oui, l'amour, ça rend très de dingue. Je suis pas une femme possessive. Non, je veux passer un maximum de temps avec lui, c'est tout. Hein, du coup, je l'ai installé dans ma cave.